إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، اعلموا أيها المسلمون والمسلمات أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فكل شر في العالم فهو السبب فيه والمحرض عليه. وإن من أعظم صفات الشيطان وأشدها شرا وأقواها تأثيرا وأعمها فسادا الوسوسة، فالقلب يكون فارغا من الشر والمعصية، فيأتي الشيطان فيوسوس إلى العبد، يوسوس إليه بالذنب ويصور له هذا الذنب ويزينه له، فيصير ذلك شهوة عنده حينئذ. فالمؤمن إذن في جهاد مع الشيطان وحزبه. قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولذلك فهو يبعث في كل ذلك، فإن الشيطان يبعث في ذلك جنوده، ويبعث معهم مددا وعونا يزينون للعباد الكفر والشرك والبدع والمعاصي. قال تعالى: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي تزعجهم إلى مخالفة أمر الله عز وجل. فكلما فتروا أزعجتهم الشياطين وأزتهم وآثرتهم. شام جمعي مسلمان، le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe dans un hadith authentique que le diable parcourt l'être humain comme le sang parcourt ses veines. Ainsi, la base de tout mal sur terre est celui qui en est la cause, et celui qui fait en sorte que le mal prospère, il y a le diable. Et parmi les caractéristiques du diable les plus redoutables, celles qui ont le plus d'effets néfastes sur l'être humain, celles qui provoquent le plus de turpitude sur terre, et ce qui est appelé al-waswasa, le fait d'insuffler de mauvaises choses, le fait d'inciter l'être humain à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque cet être humain, cet adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne pense aucunement à désobéir à son Seigneur et ne pense aucunement à accomplir un mal, voilà que le diable vient à lui, et avec ses insufflations diaboliques, il fait insuffler à cet adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala et lui suggère de désobéir à son Seigneur subhanahu wa ta'ala, et lui embellit cette désobéissance. Ainsi, les croyants et les croyantes sont sans cesse dans un combat interminable entre le diable et eux. Ils sont dans un combat interminable avec le diable et ses soldats. Allah subhanahu wa ta'ala, dans de nombreux versets, nous montre et nous explique que le diable est pour nous un ennemi déclaré. Il dit Azza wa Jalla, selon le sens: le diable est pour vous un ennemi, prenez-le donc pour ennemi. Il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient des gens de la fournaise. Allah subhanahu wa ta'ala a également pris de nous un engagement que nous ne devons pas adorer le diable et qu'en aucun cas nous ne devons lui obéir. Il dit subhanahu wa ta'ala sur le sens, ne vous ai-je pas engagé, enfant d'Adam, à ne pas adorer le diable, car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré. Le diable, chers musulmans et musulmanes, est le pire de votre ennemi, et c'est un ennemi extrêmement redoutable, car comme nous en informe Allah Azza wa Jal, إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ. Il vous voit, lui et ses partisans, tandis que vous ne le voyez pas. Ce diable qui est un ennemi redoutable, un ennemi extrêmement dangereux, et ce qui ajoute à sa dangerosité est le fait que cet ennemi redoutable te voit. Or, toi, tu ne le vois pas. Or, toi, tu ne le vois pas. Nous devons donc nous en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala et demander la protection d'Allah contre cet ennemi redoutable qu'Allah voit mais que le diable ne voit pas. أيها المسلمون وأصل كل بلاء إنما هو من وسوسة الشيطان ولهذا أنزل الله عز وجل سورة كاملة تتحدثنا عن هذا قال الله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس فالشيطان يزين للعباد المعصية ويلقيها في قلوبهم ثم يجتهد في كشف ستر صاحبها وفضيحته وإذاعته ويخبرنا الله عز وجل عن إبليس قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين وإذا كان هذا شأن الشيطان وهمته فإن الخلاص منه لا يكون إلا بمعونة الله وتأييده سبحانه وتعالى وإعانته فعلى العبد أن يحقق التقوى وأن ينفذ أوامر الله ويجتنب نواهيه. Parce que les insufflations et les suggestions sataniques sont la base de tout mal, Allah Azza wa Jal a révélé à ce sujet une sourate entière, sourate les hommes, dans laquelle il dit Azza wa Jal selon le sens, dit, je demande la protection auprès du Seigneur des hommes, le souverain des hommes, le Dieu des hommes, contre le mal du mauvais conseiller furtif qui souffle le mal dans les poitrines des hommes. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous informe de la détermination du diable à dévier et à égarer et à faire sortir du droit chemin, voire de l'islam, les adorateurs et les fervents adorateurs d'Allah Azza wa Jal. Il dit, subhanahu wa ta'ala, sur le sens, en parlant du diable, je m'assoirai assurément en travers de ton chemin droit, puis je les assaillerai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche, et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Voilà la détermination du diable à égarer le musulman et la musulmane. Ainsi, pour nous débarrasser et pour nous protéger de ce diable et de cet ennemi redoutable, nous devons demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, faire preuve de piété, mettre en application les ordres d'Allah et délaisser ses interdits. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يخبرنا بقاعدة النجاة من الشيطان، فيقول عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك، واحفظ الله تجده تجاهك. وعلى العبد أن يتوب إلى الله من الذنوب التي تسلط عليه الشرور والآلام، وعليه أن يقبل على الله عز وجل، فإن السبيل إلى النجاة بالإقبال على الله والإخلاص له. قال الله تعالى عن إبليس: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إن السبب الأقوى لدفع شرور الشيطان أن يعتمد العبد على الله، وأن يتوكل عليه، وأن يفوض أمره إليه، فمن توكل على الله كفاه ووقاه الله عز وجل من كل ما يؤذيه. قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fait part d'une règle extrêmement importante afin que le musulman puisse se voir être préservé par son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Il dit sallallahu alayhi wa sallam: préserve Allah, il te préservera. Préserve Allah et tu le verras devant toi. Ainsi, si tu veux être préservé du diable, si tu veux bénéficier de la protection d'Allah, subhanahu wa ta'ala, préserve les limites d'Allah, mets en application la législation d'Allah et délaisse les interdits d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ainsi, tu feras partie de ceux qui seront protégés. De même que le serviteur se doit de se repentir à son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, de tout péché, car les péchés n'apportent que le mal et la douleur. Et nous devons emprunter la voie du salut en faisant preuve de sincérité envers Allah, subhanahu wa ta'ala, car la sincérité permet d'éviter les suggestions et les insufflations sataniques du diable. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla a parlé du diable, dans Surat Sad, lorsque le diable a dit, selon le sens, par ta puissance, dit Iblis, je les séduirai assurément tous, sauf tes serviteurs élus parmi eux, sauf tes serviteurs qui t'adorent en toute sincérité. Également, parmi les causes importantes pour s'épargner des insufflations du diable, le fait de s'en remettre à Allah Azza wa Jal et de placer sa confiance en lui subhanahu wa ta'ala, car celui qui place sa confiance en Allah, Allah lui suffit et Allah le préserve de tout mal. Il dit Azza wa Jal: et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وكذلك من الأمور التي يعتصم العبد بها من الشيطان ويستدفع بها شروره ويتحرز من أضراره أسباب كثيرة، منها أولا الاستعاذة بالله من الشيطان. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. والثاني قراءة سورة الفلق والناس، فقد جاء عن عقبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذون؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. رواه مسلم. Parmi les causes qui permettent aux musulmans d'être préservés du diable, de repousser son mal. Parmi ces causes, tout d'abord, le fait de demander la protection d'Allah contre le diable. Comme le dit Allah Azza wa Jalla, selon le sens. Et si jamais le diable t'incite à faire le mal, recherche refuge auprès d'Allah, car Allah entend tout et il sait tout. Également le fait de lire Sourate Al-Falaq et Sourate An-Nas dans le hadith de Uqba radiallahu anhu, rapporté par l'imam muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, veux-tu que je t'enseigne et que je t'informe de la meilleure formule par laquelle demande la protection ceux qui demandent la protection? J'ai dit bien sûr au envoyé d'Allah. Et il a répondu alayhi salatu wassalam, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ et قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. أيضا قراءة آية الكرسي وهي قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ففي صحيح البخاري في قصة أبي هريرة رضي الله عنه قال لأبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة إذا آويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فأخبر أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الشيطان, أي قال الشيطان لأبي هريرة إذا آويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. فأخبر أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدقك وهو كذوب ذاك شيطان. Également, parmi les formules qui permettent aux musulmans de se protéger du diable, de ses insufflations et de ses suggestions et de son mal, le fait de lire le verset du repose-pied, qui est le 250e verset de Surat al-Baqarah, dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, dans l'histoire d'Abu Huraira radiallahu anhu, qui avait pour charge de garder la zakat, zakat al-fitr des musulmans, et que un homme, un diable, sous apparence humaine, venait prendre de cette zakat. Et lorsque Abu Huraira radiallahu anhu, au bout de la troisième reprise, l'a trouvé sur le fait accompli en train de prendre de la zakat, il s'est alors décidé à l'emmener chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cet homme de dire à Abu Huraira, lorsque je vais t'enseigner une chose qui te sera bénéfique et tu me laisseras partir. Il lui a enseigné le fait que lorsque tu vas dormir, lis Ayat al-Kursi, le verset du repose-pied, car en le lisant, Allah ne cessera de te protéger, le diable ne pourra point t'approcher jusqu'au matin. Et lorsqu'Abu Huraira radiallahu anhu a informé de cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a répondu, il t'a dit vrai, alors que c'est un menteur, cette personne était le diable. أيضا من الأسباب قراءة سورة البقرة. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا وإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. أيضا قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ بهما في ليلة كفتاه, أي كفتاه من كل ما يؤذيه ويضره. أيضا من الأسباب وهو حرز عظيم, المحافظة على الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من ذلك. Également, le fait de lire Sourate al-Baqarah, Sourate la vache, car il est rapporté dans le Sahih de l'imam Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne faites pas de vos maisons des tombes, et la maison dans laquelle est lu Sourate al-Baqarah, le diable ne peut y pénétrer. Également, le fait de lire les 2 derniers versets de Sourate al-Baqarah, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui lit ces 2 derniers versets dans une nuit, et ces versets lui suffiront, c'est-à-dire lui suffiront pour être préservé de tout ce qui pourrait lui être préjudiciable. Également, parmi les moyens extrêmement importants et qui protègent contre le diable et contre son mal, le fait de constamment, le matin et le soir, dire les invocations et les formules que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les rappels du matin et du soir. Et parmi ces rappels, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui dit la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Celui qui dit cela 100 fois dans la journée, cela revient à avoir affranchi 10 esclaves. Ils lui seront inscrits 100 bonnes actions, lui seront effacées 100 mauvaises actions, et ses paroles seront une protection contre le diable, ce jour-là jusqu'au soir, et personne n'aura accompli une œuvre meilleure que la sienne, sauf un homme qui est venu dire plus que cela. إن هذا الحديث حديث عظيم، وعلى المسلم أن يحافظ على هذا الذكر في صبيحة كل يوم 100 مرة، فيفوز بهذا الأجر العظيم وبهذه الفوائد العظيمة. Ce hadith est un enseignement extrêmement bénéfique, et le musulman se doit de persévérer chaque jour, matin et soir, en disant ses rappels que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui nous protège du mal du diable, qui nous protège de ses insufflations sataniques, qui nous protège de ses suggestions maléfiques. Et malheureusement, nous constatons que de plus en plus de musulmans sont atteints par le mal du diable. Ceci car ces musulmans ne se protègent plus. Ils ne se protègent plus ni le matin ni le soir. Ils sont insouciants vis-à-vis du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'étonne ensuite que le mal le touche, que ce soit un mal occulte ou autre. Ceci car ils ont laissé leur personne en libre service. Ils ont exposé leur personne sans aucune protection au pire de leur ennemi qui est le diable. Wal'iyadhu billah. Nous devons donc, chers musulmans et musulmanes, faire de nos personnes des forteresses que le diable ne peut atteindre. Et ces forteresses, nous devons les bâtir en nous adonnant au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et à ces formules bénéfiques que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le musulman se doit de dire le matin. Et par la grâce d'Allah et par sa volonté, il sera protégé jusqu'au soir. Et il se devra de les dire le soir. Et par la grâce et la volonté d'Allah, il sera protégé jusqu'au matin. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان، اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان، اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما جهلنا، اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما جهلنا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.